Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux, oui, encore moi, et aussi encore avec moi cette semaine, mon co-animateur, ami, collègue et, mettez le qualificatif que vous voulez ensuite, Marc Bouchard. Salut Marc. Mon Dieu, t'étais gêné de dire des vacheries sur mon dos. Moi, j'avais rien en tête, je me suis dit, le monde pourront, tu sais, on va faire comme un meuble Ikea, tu sais, ajoutez votre commentaire ici. Fait que pour certains, ça sera bon. Pour certains, ça sera moins bon. On verra bien ce que ça donnera. J'aime mieux pas répondre à ça. Ouais, c'est correct. Hey Marc, c'est notre 50e émission aujourd'hui. Oui, bonne fête à nous, bonne fête à nous, bonne fête, bonne fête, bonne fête à nous. Alors, cette chanson met fin à nos quelques auditeurs. Ouais, c'est ça. Ça nous a fait plaisir que vous nous suiviez pendant ces 49 autres émissions. Mais bon. Donc, oui, Marc, c'est notre 50e. C'est quand même pas pire. On s'endure pendant 50 émissions. Ça n'a pas été 50 émissions de suite. Là. C'est plus qu'on se donne des pauses à un moment donné parce qu'on a de la misère à s'endurer. Mais quand même, c'est 50 émissions. C'est quand même pas si pire. C'est une bonne voie. Sérieusement, je suis très, très heureux. Écoute, c'est un projet que toi, tu as parti sous Podcast Radio il y a de cela plusieurs années. Oui, Podcast Auto, mais c'est pas grave. Podcast Auto, c'est vrai. Excuse-moi, là, tu sais, j'ai de la misère avec ça. Par contre, je tiens à préciser d'entrée de jeu, pour notre ami Jerry qui nous écoute régulièrement, que si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire à info@saroulradio.com. C'est notre adresse courriel. Ouais. Je l'ai retenu, ça fait longtemps, mais c'est parce que sur Facebook, il me dit écoute, tu fais 49 émissions, puis Marc est toujours pas capable de retenir l'adresse courriel. Alors, je tiens à dire que je la retiens, mais fais bien que je te donne de l'importance quelque part. C'est ça. Alors, je te la laissais mentionner tout simplement. Fait que c'est Jerry, c'est pas parce qu'il retient pas, c'est parce qu'il s'en sacre. C'est à peu près ça. Non, c'est parce que je voulais te laisser toute la place qui te revient. Mais sérieusement, je dois dire qu'effectivement, le podcast, c'est une idée de toi. C'est toi qui l'as parti. Tu l'as tenu à bout de bras longtemps. Je me suis joint au projet il y a maintenant 50 émissions. J'ai un plaisir fou à le faire. Des fois, c'est compliqué. Des horaires pas faciles. On fait ça aussi souvent sur notre temps ou dans des temps libres qui sont de plus en plus rares, tu le sais. Mm-hmm. Mais quand même super le fun. Et on aime beaucoup recevoir vos commentaires face à ces émissions-là. Alors, on espère qu'on va en avoir de plus en plus avec cette 50e émission. Mais oui, venez jaser avec nous autres sur Facebook. Ça a l'air... D'après Facebook, on répond assez rapidement. Fait que si ça vous tente de venir jaser avec nous autres, venez sur Facebook, Ça roule radio, posez des questions, puis on va vous jaser. Puis sinon, info@saroulradio.com, l'adresse que Marc a finalement retenue après 50 émissions. Donc, il y a sûrement une image Notepad ouverte sur son bureau, là, sur son ordinateur. Son écran qui a marqué info@saroulradio.com. Faut que je m'en rappelle. Même pas, mais Jerry m'a comme piqué au vif cette semaine en postant ça sur Facebook, alors il fallait que je lui réplique. Ouais, parlant de piqué au vif, Marc, t'as fait un commentaire que je sais pas trop où me placer par rapport à ça. C'est clair que tu le fais tout seul, je m'implique pas là-dedans. T'as été dire à quelque part sur un canal YouTube de quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment avant, mais que t'as l'air à connaître parce que t'as l'air de travailler avec eux autres sur Virage, que si Elon Musk et Tesla ne rendaient pas disponible à grande échelle, t'as mentionné un peu plus tard, c'est pas mentionné dans la vidéo, pour le mois de novembre, t'allais monter les marches de l'oratoire à genoux, et pas seulement à genoux, mais aussi tout nu. Donc, on s'est tout empressé à dire ça peut être bon pour le tourisme à Montréal parce que ça va envoyer du monde visiter d'autres choses que l'oratoire si tu fais ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta petite tête pendant l'histoire, ce moment-là? Je vais te raconter l'histoire. D'abord, tu as lu mon texte sur la BMW i3. J'en ai parlé avec laquelle j'ai eu de la misère à me rendre à Ottawa. Mm-hmm. Mais je me rendais à Ottawa pour cet événement-là. C'était un événement de test de pneus d'hiver. Dont je vais vous reparler là, dans quelques temps, parce qu'évidemment, c'est pas le bon timing pour parler de pneus d'hiver. On pourrait booker ça pour le mois d'août, à peu près. Là. C'est ça, parce que même si je vous en parle en ce moment, vous allez comme dire « Ouais, ben regarde le grand, il fait chaud, puis on veut pas t'entendre. » Puis j'ai mon rendez-vous pour faire poser mes pneus d'été en fin de semaine. Fait que, c'est ça, exactement. Fait qu'on n'est pas là. Donc, je vais vous reparler un peu plus tard des pneus d'hiver, qui sont quand même des pneus, là je dois le dire, qui étaient fort intéressants. Et j'étais avec mon collègue Mathieu Thomassin, qui est un gars de Québec, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Question Auto, qui travaille avec nous occasionnellement sur Virage et avec qui j'ai beaucoup de discussions sur Facebook. Et Mathieu me pose, on jasait là, comme ça, devant sa caméra allumée, et il dit « Écoute, la Tesla Model 3, ça s'en vient, ça va arriver avant la fin de l'année, ça va être un super hit, ça va bien marcher. » Et moi, de partir à rire et de dire « Écoute, si ça arrive, je vais être le premier surpris, puis je vais aller monter les marches de l'oratoire tout nu. » Et là, évidemment, ça a retenu un peu l'attention. Je sais pas pourquoi. Et là, il a décidé de le filmer et de le mettre dans une vidéo parce que l'idée, en fait, puis je m'en suis jamais caché, je ne crois pas que Tesla va être en mesure d'honorer 10% de ses exigences, de ses deux commandes avant la fin de l'année. Ils vont probablement sortir quelques Model 3 dans quelques marchés spécifiques comme ils l'ont fait avec la Model X, mais quand je parle de quelques, là, je parle même pas de milliers, je parle plutôt de centaines et encore. Donc, objectivement, j'ai beaucoup de difficultés à croire que Tesla va être en mesure de faire ce genre de choses-là. Par contre, je suis profondément persuadé qu'ils vont finir par la sortir pareil, mais... Et peut-être que toi aussi. Exactement. Oui, mais c'est ça. Alors, non, donc, j'ai aucune confiance. Objectivement, je l'ai dit et répété, j'ai pas confiance en Tesla. C'est pas une compagnie qui m'inspire confiance. C'est pas une compagnie qui, à ce jour, a produit 120 000 véhicules. OK? Dans toute son histoire, là, c'est ça qu'elle a produit comme véhicule. Là, elle veut me faire croire qu'elle va en sortir 400 000 dans un délai raisonnable. J'ai beaucoup de difficultés à le croire. D'autre part, est-ce qu'on se rappelle qu'au cours de la dernière semaine, Tesla a rappelé 57 000 Model S parce qu'il y avait des problèmes? Mm-hmm. Alors, que la Model X est considérée comme un citron par la majorité des gens qui en ont une, et même par la loi aux États-Unis actuellement, ils sont en cours pour ça. Alors, tu sais, on n'est pas là avec Tesla et je ne veux pas diminuer l'importance de la compagnie, l'importance technologique, le changement d'attitude que la compagnie a amené, mais c'est pas vrai que les produits qu'elle livre, elle les livre dans les délais, elle les livre de qualité, et je ne crois pas que la Model 3 va faire exception. Évidemment, je me suis un peu étiré le moineau en disant que j'étais pour monter les marges de l'oratoire tout nu. Tout nu, c'est pas pire, c'est monter toutes les marges de l'oratoire que je risque d'avoir de la misère. En novembre, tout nu, c'est déjà quand même un exploit. Ouais, mais il y a quand même des parties de mon anatomie qui vont disparaître s'il fait froid, fait que tu sais, c'est moins gênant. Mais sérieusement, donc je vais avoir plus de misère à monter les 300 marches de l'oratoire avec mon souffle légendaire que de le faire tout nu. Mais sérieusement, c'est vraiment une façon pour moi de dire que j'ai très, très peu confiance en cette compagnie-là. Ce qui est extrêmement dommage, parce que je le répète, ils ont amené une nouvelle dynamique, mais je trouve qu'on en fait vraiment des exemples marketing un peu trop fort et que malheureusement, s'ils doivent décevoir comme c'est ce que la plupart des analystes prévoient, ben ça va être une sérieuse claque. Et plutôt que d'aider la cause des voitures électriques, si jamais Tesla ne réussit pas à remplir ses commandes, à remplir ses promesses, ça va même être une claque sur les voitures électriques parce que ceux qui sont sceptiques vont avoir une bonne raison de dire « ben écoutez, on vous l'avait dit ». Voici la preuve que la voiture électrique, ça ne marche pas. Même Tesla n'est pas capable de remplir ses promesses. Alors évidemment, j'ai un petit peu exagéré sur la notion, mais il faut quand même savoir que la Model 3, bien que M. Elon Musk ait confirmé que probablement dès cet été, en tout cas cet automne, il y en aurait quelques-unes, qu'il adoptait des nouveaux modèles de production. Il nous a aussi dit que il serait en avance et tout. On verra bien ce que ça va donner. Il a sauté des étapes dans la préparation, donc c'est pas non plus rassurant quant à la fiabilité du modèle elle-même. On verra ce que ça va donner encore une fois. Donc, je suis extrêmement, extrêmement sceptique. Détail intéressant, je suis pas le seul à être sceptique puisque des membres du conseil d'administration ont souhaité, sans mettre complètement à l'écart Elon Musk, ils ont à tout le moins décidé de l'écarter un peu des décisions du conseil et peut-être de le placer ailleurs. Mais évidemment, ça va créer une dissension interne. On le sait, le titre de Tesla en bourse a été extrêmement populaire au cours des dernières semaines. Il a même devancé les Ford et GM de ce monde. On verra donc ce que ça va donner et quel impact ça peut avoir. Tout ça pour dire que je suis pas très inquiet. J'ai bien l'impression que je vais pouvoir garder mon manteau d'hiver pour monter les marches de l'oratoire et que j'aurai l'occasion de le faire. Cependant, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo. Mon ami Mathieu Thomassin qui a présenté la vidéo quelque part. Alors, Luc, je sais que toi, si jamais je le faisais, tu devrais te faire un plaisir d'être à mes côtés pour m'encourager à monter les marches de l'oratoire. Non, je vais essayer, mais je vais filmer de l'arrière. Tu sais, si je filme, je vais filmer dans l'arrière. Puis, ça va être quand même. OK, on passe aux affaires sérieuses. Oui, oui. Donc, moi, je veux juste revenir vite sur mon essai de la Hyundai Ioniq électrique. Cette semaine, je conduis l'hybride. Je vais vous en parler la semaine prochaine parce que je l'ai eu juste pendant quelques jours. Même, je vais l'avoir une semaine et demie. Je me suis arrangé avec Hyundai pour avoir une semaine et demie, Donc, ça va me faire 3 semaines de Hyundai Ioniq en tant que tel. Je parlais la semaine passée que bon, mon fils avait un tournoi de kinball à Montréal. Puis c'est quelque chose que j'aurais été un peu pas frileux. Je l'aurais fait avec ma Leaf, mais je savais que si je le faisais avec la Leaf, il aurait fallu que j'arrête chargé à quelque part. Mais tu sais, on avait planifié, on va revenir tard en après-midi, on va arrêter souper genre à un Saint-Hubert, on va brancher l'auto, puis on va continuer. T'sais, c'est quelque chose qu'on était habitué de faire parce qu'on a appris à vivre avec notre Leaf depuis déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que j'ai ma Leaf. Mais c'est drôle, ce matin, on enregistre ce vendredi matin, mon souvenir Facebook, c'était il y a 2 ans, ma Leaf était en entretien chez Spinelli Nissan. Puis ce matin, elle est en entretien chez Albi Nissan à Vaudreuil. Donc, ça tombait vraiment. Ça pouvait pas tomber mieux. La même journée, il y a 2 ans, elle est en train de se faire son entretien. Puis elle l'a le matin aussi. Mais bon, tu sais, c'est quelque chose qu'on a appris à vivre avec la Leaf, que bon, moins d'autonomie. Je m'attendais peut-être à avoir la même chose. Mais. La Ioniq a tellement été solide avec son 200 km d'autonomie, qui est pas mal dans n'importe quelle condition, que je me disais, ben peut-être j'aurais pas besoin de la charger. Puis même, j'avais des discussions avec les gens sur Facebook. Ils disaient, peut-être faudrait que je me force pour l'amener à une borne de recharge rapide, une BRCC, pour voir comment ça se comporte puis tout ça. Mais finalement, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais j'ai même pas eu besoin de le faire. On est parti, moi je reste dans la région de Valleyfield, à Saint-Zotique pour être plus précis. et puis on va en reparler de Saint-Zotique parce qu'il va y avoir des bornes qui vont se faire installer la semaine prochaine. Je vais en parler sur le prochain show. Je vais peut-être même avoir une entrevue avec des gens de Saint-Zotique. Mais je suis parti d'ici, puis je suis allé à Montréal. C'était collège Père Marquette dans le coin de Papineau et tout ça. Fait qu'on est allé, on est revenu dans la même journée. Et puis, j'ai fait un total de 137.0 km. Hein? Fait que si tu es assez pile, une vitesse moyenne de 76 km/h. Bon, c'est sûr, sur l'autoroute, en y allant, 105 tout le long sur le régulateur de vitesse adaptatif, ça a super bien été. Tu sais, en ville, ben là, ta vitesse moyenne descend. Fait que donc, c'est pour ça que la vitesse moyenne est plus basse, mais c'est presque impossible d'avoir une vitesse moyenne de 100 km/h, là, parce que aussitôt que tu tombes dans des petites routes, ta vitesse moyenne va descendre et tout ça. Ouais, non, la moyenne, ça baisse tout le temps, ça. Il n'y a pas de. C'est normal, là. T'sais, total, ça a pris 1h50 de faire le trajet aller-retour. Donc, on n'a pas niaisé. On a vraiment fait ça aller-retour. Et puis, fait que j'ai fait 137 km, puis à mon retour, il restait encore 44 km disponibles dans la batterie. Fait que oh, si wow, regarde, quand même, c'est excellent, là. Tu sais, fait que, puis là, on parle de 105 km sur l'autoroute, des choses comme ça, puis, tu sais, donc, elle est solide, là. C'est vraiment une voiture qu'on peut, se fier à ce qui est, à nous démontre sur l'écran, là, tu sais. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que si on fait le calcul, j'ai pas 200 km, j'ai à peu près quoi, 180, 185 km. Mais j'ai roulé à 105 km/h sur l'autoroute aller-retour, là. Tu sais, j'ai pas roulé à 90, pépère, pour garder l'autonomie, ou 100 km/h. C'est sûr, si on roule à 100 km/h, on va avoir une meilleure autonomie, tout ça. Mais c'est une voiture que j'ai trouvée extrêmement solide, elle est confortable. Présentement, pour moi, c'est la meilleure voiture électrique sur le marché. C'est sûr que là, je la compare pas avec la Bolt, qui est une bébite un peu différente, avec plus d'autonomie. C'est là qu'un peu les voitures comme la Leaf et la Ioniq vont peut-être avoir un peu de problème. C'est que la Bolt est dans le même barème de prix, puis elle offre plus d'autonomie. Puis tu vas en parler de la Bolt tantôt, dans le prochain bloc. Tu l'as cette semaine, puis à ce que je sache, à ce que j'ai vu, tu as été impressionné. Donc, tu sais, c'est là un peu qu'on a un problème, c'est qu'on a des voitures à 200 km d'autonomie qui sont solides. La Ioniq, après moi, est plus solide que la Leaf, parce que la Leaf, elle a ce qu'on appelle un guessometer, là, ou un devinomètre, là. C'est qu'elle te donne 160 km d'autonomie ou 170 km d'autonomie en partant, puis quand tu arrives, tu calcules tes affaires, des fois, tu es loin du compte, là. Mais des fois, tu es proche du compte si tu conduis bien, sa température est bonne et tout ça, mais la Ioniq est plus solide que ça côté estimation d'autonomie, mettons. Donc, c'est une voiture qui est vraiment impressionnante. Les prix sont sortis, là, c'est à peu près les prix que j'avais donnés. Donc, on part entre 32 et 45 000 $ là, pour dépendant du modèle. Le modèle plus équipé est 45 000 quelques dollars. Là. Donc, ça reste une voiture qui va vous donner aussi le rabais de 8 000 du gouvernement à la borne et tout ça. Donc, c'est vous qui décide. Moi, je trouve que c'est vraiment une voiture qui est jolie, une voiture qui est intéressante. Mais le problème qu'on a, c'est que là, on commence à voir les voitures qui sortent avec 350 km d'autonomie. C'est là que le bas blesse un peu. Mais ouais. C'est des excellentes voitures. J'ai été vraiment impressionné par la Ioniq de Hyundai. Je vais vous parler de l'hybride la semaine prochaine. Que j'aurai la semaine prochaine en passant. Fait que ramène la propre. Ouais. Parce que c'est moi qui... Elle est déjà rendue chez Hyundai. Elle va être propre parce qu'il y a déjà là-bas la totalement électrique. J'ai la hybride aujourd'hui. OK, alors moi, c'est ça. Je vais la remplacer mercredi. Ah, moi, c'est ça. Je vais avoir la Ioniq électrique la semaine prochaine. C'est ça. Tu vois, tu verras si... On verra si t'es aussi impressionné que moi. Donc, Marc, là-dessus, on va faire une pause, puis on va revenir avec une chronique véhicule électrique avec Marc Bouchard, parce que tu as essayé la Volt et la Bolt. Alors, nous sommes de retour, et c'est l'heure de notre chronique véhicule électrique avec Martin Arch... Non, c'est Marc Bouchard. Marc Bouchard, mon cher. Je sais pas, il y a quelque chose de... Ça coule pas normalement, cette phrase-là. Attends, tu vas perdre connaissance quand je vais dire que je chialerai même pas. Ouais, je sais. Fait que tu veux commencer par quoi, la Volt ou la Bolt? Je vais commencer par la Volt. OK, véhicule que tout le monde connaît, qu'on a tous déjà, que toi et moi déjà essayé. Véhicule impressionnant, magnifique, tu sais, qui est confortable. Bon, alors, je n'étais pas supposé avoir la Volt, pas du tout. Je me suis rendu lundi matin chez GM, comme je le fais tous les lundis, pour aller chercher ma voiture de presse. Et... quand je suis arrivé là, la voiture n'était pas prête. La Bolt, c'est celle-là que je m'en allais chercher, puisqu'elle avait participé au rendez-vous branchez-vous la fin de semaine dernière, qu'elle n'était pas revenue, qu'elle n'était pas chargée. Alors évidemment, ça m'a un petit peu titillé parce que c'est l'expression même du problème des voitures électriques. T'as le char, mais s'il n'est pas chargé, tu peux pas t'en servir avant plusieurs heures. Ah, parce qu'au pays, dans, t'sais, pas propre, tu peux quand même la prendre. Oui, ça, c'est pas grave. Parce que les voitures reviennent jamais totalement crottées. Là. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une voiture moyennement propre, là, mais pour le reste, c'est... Mais ça n'a pas d'importance. Je ne parle pas vraiment pas du nettoyage. Je te parle vraiment de l'usage. Oui, c'est ça. Et le fait qu'on ramène la voiture, mais que je ne puisse pas l'avoir avant le lendemain, ça n'avait rien à voir avec la propreté. Non, ça avait à voir avec la clairement recharge. Le fait qu'elle n'était pas chargée, donc que je ne me serais pas rendu. Alors, tu as là, en partant, l'expression même des contraintes des voitures électriques. Oui. OK, ça, là, ça finit là. Bon. Je suis quand même parti avec la Volt en attendant. Et, elle était vide aussi quand elle est revenue, donc j'ai roulé sur le moteur à essence tout le long. Quand je suis arrivé chez moi, je l'ai branché, et quand je suis retourné pour faire l'échange, parce que je l'ai gardé pendant quelques jours, pendant une journée et demie, elle était pleine quand je suis parti de chez nous. Moi, je reste à Saint-Hyacinthe, faut que j'aille dans le West Island. Okay? Ouais. Je peux te dire, avec une certaine précision, que c'est 90 km, à peu près. Okay. Ben écoute, avec la Volt et dans le trafic, hein, ça m'a aidé parce qu'évidemment, ça fait un peu de recharge de la batterie. Oui, c'est ça. J'ai réussi 83,9 km en mode 100% électrique. Oui. La nouvelle Volt est impressionnante. Puis GM sont conservateurs un peu dans leurs chiffres. Moi, j'avais calculé quand je l'avais eu, j'avais été à Sainte-Justine avec mon fils, tout ça, dans le trafic, puis aller-retour. J'aurais pu faire plus de 100 km en tout électrique dans le trafic, puis tout ça. Là. C'est ça. Mais moi, là-dessus, là, je te rappelle que je suis à Sainte-Hyacinthe. Il y a une large part du trajet qui se fait sur autoroute. Oui. Évidemment, j'étais à 98 km/h sur le cruise control intelligent et tout, mais 83,9, honnêtement, ça m'a beaucoup impressionné parce que, à cause justement de cette autoroute-là, je m'attendais à être beaucoup plus dur sur la batterie que je ne l'ai été. Alors, honnêtement, et il faisait très chaud, j'ai même parti l'air climatisé, et ça a vraiment très, très peu affecté. Ouais. Alors, au total, j'ai fait 91,8 km, et j'ai utilisé exactement 0,4 litres de carburant pour le faire. Ouais. C'est majoritairement, quand j'ai la Volt, je suis capable de faire... Il y a deux fois avec la Volt d'ancienne génération, puis Volt de nouvelle génération, j'ai fait tous mes trajets de la semaine sur l'électricité. Je la rechargeais au bureau puis j'étais capable de dépenser zéro gaz. Ouais. Mais ce qui est intéressant de la Volt et ce qu'il demeure, c'est que elle est encore celle qui te rassure le plus parce que même quand tu n'as plus d'électricité, tu peux continuer à rouler puis ça va. Oui, bon. Parce qu'on en parlait, tu peux avoir 2 volts pour le prix d'une i3 puis la Volt est tellement plus efficace. Effectivement. Que l'i3. Et tellement plus confortable, mieux assemblée, tellement plus luxueuse à l'intérieur. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que j'ai rapporté la Volt pour aller chercher la Bolt. Mm-hmm. Bolt qui, soit dit en passant, m'a fortement impressionné. Si vous allez sur mon blog, marcbouchard.ca, j'ai écrit un premier essai d'ailleurs où je dis clairement que la Bolt m'a impressionné pour ses capacités électriques. Ouais. Vraiment. Mm-hmm. Batterie de 60 kWh, ça fait le boulot. J'ai réussi sans difficulté à faire le trajet et j'ai même pas eu peur de rien, évidemment. Un moteur 200 chevaux avec une accélération qui est assez spectaculaire. Si tu la mets en mode sport, là, mm-hmm. oui, c'est dur sur la batterie, mais je te confirme que ça accélère sur un solide temps. Non, oh, oui, oui. Et je m'amuse comme un épais à freiner, à conduire avec une seule pédale. Là. C'est-à-dire que tu accélères, mais ton freinage se fait avec la palette au volant. Oui. Et honnêtement, c'est extrêmement efficace pour la récupération d'électricité. C'est aussi extrêmement amusant à faire et ça te force à planifier tes freinages parce qu'évidemment, c'est beaucoup moins radical comme freinage que ne l'est un système traditionnel. Là. Mm-hmm. Donc, ça te force à planifier tes freinages d'avance et c'est ça qu'il faut faire pour conduire efficacement avec un véhicule électrique. Ouais, faut changer nos habitudes de conduite. C'est ça. Freiner à dernière seconde, c'est pas efficace. Là. C'est pas bon, c'est non, juste pas non, efficace. Non, non. Ceci étant dit, donc du point de vue économique, j'ai beaucoup aimé ça. Du point de vue électrique, évidemment, ça fonctionne bien. Pas trop long à recharger. Moi, j'ai pas de borne 220 parce que j'ai pas de voiture électrique encore. Mm-hmm. Puis j'ai pas envie de tout faire réinstaller ça pour l'instant. Donc, je travaille avec le 110 et ça, malgré tout, je réussis à très, très bien fonctionner. J'ai roulé hier toute la journée avec la voiture sans difficulté. Bref, honnêtement, de ce point de vue-là, la Bolt m'a impressionné. Elle a quand même des défauts sérieux. On parle d'un char de 42 000 piastres, OK? Ouais, ouais. Plus les taxes, moins le rabais du gouvernement. Ouais. On est quand même à 38 000, 39 000. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est une petite voiture. Et quand je parle de petite, elle est vraiment petite. Je peux te dire qu'on était deux occupants en avant avec un tour de taille là, qu'on a oublié depuis longtemps. Puis, c'est correct comme dégagement, là, mais c'est pas terrible. La banquette en arrière, c'est une horreur. C'est une banquette qui est presque plate. Ça me fait penser, tu sais, les vieilles banquettes d'un vieux Buick de tes grands-parents, là. Ouais, ouais, ouais. Quand tu tournes à gauche, tout le monde slide à gauche. Ouais. Quand tu tournes à droite, bon, mais j'ai un peu cette impression-là avec la banquette. Elle est dure, elle est plate, elle n'a pas de support. Ça, c'est vraiment pas le fun. Les qualités de plastique sont extrêmement ordinaire à l'intérieur. C'est des portes à l'intérieur, c'est en plastique. Ils ont mis une espèce de plastique à motif sur la planche de bord qui est, ma foi, d'un drôle de goût. Ça fait un peu voiture prototype des années 90. Honnêtement, j'ai vraiment pas été impressionné de la finition. C'est probablement le plus important défaut de la Bolt, là. C'est cette qualité déficiente au niveau des matériaux utilisés. En revanche, un bon espace de chargement, ça m'a bien impressionné parce que tu peux bien sûr baisser la banquette arrière. Donc, tu as un plancher plat. Si tu ne veux pas baisser la banquette, il y a une partie du plancher que tu peux retirer dans le coffre et ça te donne une profondeur intéressante pour transporter des objets. Alors, honnêtement, de ce point de vue-là, c'est bien. Bon espace de chargement. Le point de vue électrique est intéressant et la planche de bord est assez facile à comprendre. Là. On n'est pas dans l'ergonomie compliquée puis on n'a pas l'impression de suivre de conduire une soucoupe volante. Alors, honnêtement, j'ai beaucoup aimé, mais elle a des défauts. Ça va en prendre encore un petit peu plus pour me convaincre vraiment. Oui, mais c'est des choses. Tu sais, le problème un peu, puis c'est le fait, c'est un peu pour ça que les voitures électriques sont capables de se vendre, c'est la subvention. Puis là, je vise pas aucun constructeur, on est dans l'univers qu'on est, là, mais j'ai l'impression que la journée que les gouvernements vont décider que les subventions, c'est fini, les constructeurs vont devoir baisser le prix des voitures parce que sinon, ils en vendront plus. Fait que, ouais, le problème, c'est que s'ils baissent, déjà, ils font pas d'argent avec les autos électriques. C'est un peu ça, les batteries coûtent cher à faire. Oui, oui, puis c'est pas demain la veille que ça va changer. Alors, honnêtement, je t'avoue que j'ai pas une grande confiance dans ce développement-là. À cause de ça, là, on parle de prix strictement. Oui, oui, c'est dispendieux. Mais, tu sais, quand on fait l'exercice de se magasiner une voiture électrique, faut voir certaines choses. Faut voir est-ce que ça rentre dans votre utilisation normale. Je parle pas de gérer les exceptions, là, de vous allez en Gaspésie une fois par année. Là. Au pire, vous louez une voiture à gaz, puis vous montez en Gaspésie avec votre voiture à essence, puis vous allez quand même... Ça me gosse. Ouais, mais tu sais, c'est quand même une chose qui est faisable, parce que dans le prix de ta location, dans le prix de ton achat, faut que tu calcules le prix de l'essence que tu ne dépenseras pas. Faut que tu mettes ça dans ton calcul, je comprends. Oui, mais si tu commences à rajouter des prix de location pour être capable d'avoir un usage normal, c'est non seulement tu perds l'idée de l'économie, mais tu perds l'idée de l'écologie aussi. Ouais, mais tu sais, moi, être obligé d'avoir deux voitures, c'est pas vrai que du point de vue environnemental, c'est bon, là. Non, mais tu sais, il faut quand même... Mais c'est faisable à aller en Gaspésie avec une voiture électrique, il faut juste que tu gères tes recharges. Mais personne qui est pas prête à faire ça, ben, c'est d'autres choses. Hein. Moi, j'ai un ami qui est parti de la région de Laval, ben, un petit peu plus loin, puis qui s'est rendu dans le coin de Shawinigan. Ça y a pris 5 heures en voiture électrique. Ouais. Faut être motivé, là. C'est sûr que la Bolt permet ce genre d'affaires-là d'une seule traite, ou à peu près. Mm-hmm. Donc, c'est plus avantageux. Mais n'empêche que, tu sais, j'avais promis de pas chialer. N'empêche que ça fait partie des éléments qui sont des difficultés. C'est la planification obligatoire de tout ce que tu fais comme mouvement avec une voiture électrique. Oh oui, faut ça rentre dans la ligne de compte. Il faut faire des compromis. Faut apprendre à non seulement conduire d'une manière différente, faut aussi apprendre à gérer un peu plus nos déplacements. Si on va loin, quelqu'un qui... Tu sais, demain matin, moi, je m'achète une boat, je la recharge aux 2-3 jours. Tu sais, j'ai pas de problème. Avec ma Leaf, je peux faire un aller-retour au travail, puis quand je reviens, là, elle m'avertit que, tu sais, il te reste 20 km, tu as 20% de batterie, trouve-toi une borne, tu sais. Tandis qu'avec la Ioniq, j'aurais pu faire un aller-retour, puis même j'aurais pu retourner au bureau sur la même recharge, puis j'aurais pu la brancher au bureau, puis m'en revenir sur la recharge faite pendant ma journée. J'aurais pu aller jusque-là, tu sais. Mais j'ai une borne 240 à la maison, pourquoi je me casserais la tête à sortir l'extension, sortir la petite borne 200, la petite borne 110 du coffre, la brancher, puis tu sais, c'est du travail de plus. J'ai pas de borne prête à brancher au travail, tu sais. Fait que c'est un peu différent. Mais... Tu sais, c'est bon pour ça, une voiture électrique. C'est bon pour les déplacements de tous les jours. Fait que c'est une excellente, peut-être, deuxième voiture pour l'instant. La Bolt pourrait devenir une voiture principale. Mais les autres voitures, les Leaf de ce monde, peut-être, la Ioniq, la MIEV, on n'en parlera même pas, ils la font plus. Mais c'est une bonne deuxième voiture. C'est la voiture pour faire vos tu sais, les choses alentours, même aller au travail si vous n'êtes pas à 200 km de la maison, si vous êtes vendeur sur la route, c'est peut-être pas l'idée. La Volt serait un excellent choix, par exemple, tu sais. Fait que c'est des choses à regarder quand vous êtes prêt à faire le saut. Mais allez pas vous acheter une voiture électrique avec 100, tu sais, une Leaf 2012 qui est rendue à 130-140 km d'autonomie si vous faites 160 km aller-retour pour aller travailler. C'est pas logique. Faut regarder ça aussi dans votre planification d'achat. Mais à 45 000$ pour une deuxième voiture, ben c'est à ce prix-là, ça. Je vais être obligé de te dire que je vais aller m'acheter une Mazda MX-5 puis je vais avoir du fun, pas de toi, tout l'été. T'sais. Ouais, mais tu sais, une Mazda MX-5, tu vas être deux. Non, mais oui, mais je vais me rendre où je veux, par exemple. Ouais, ça va être beau, une Mazda MX-5 avec des sièges en cuir et te rendre tout nu à l'oratoire pour monter les marches. Ça. Je me rendrai pas tout nu, mais me déshabiller rendu là. Ah, okay. Non, je t'ai pas compris. Hein. Ben non, mais là, tu sais, tant qu'à le faire, tu le fais. Tu le fais ou tu le fais pas. C'est beau, Marc, donc on va faire une petite pause, puis on va venir avec un autre bloc essai. Tu vas nous parler du Honda Ridgeline, et moi, je vais vous parler de la Volkswagen Golf Alltrack. Alors, nous sommes de retour et on passe de véhicule totalement électrique à véhicule à essence. Marc, tu vas nous parler de ton essai du tout nouveau Honda Ridgeline. Je sais pas, tu viens de me dire hors d'onde que je parlais trop. Oui, mais vas-y. Il y a trop, puis il a quand même parlé un peu. T'sais. Ah oui, effectivement. J'ai essayé l'Honda Ridgeline. D'une part, j'étais allé au lancement et je l'ai eu pendant une semaine, la version Black Edition. Black Edition, regarde, cherche pas, tout est noir. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Ben, au moins, on est constant dans les ouais, appellations. Dans le sens où, tu sais, il y a rien de mécaniquement différent, il y a rien de... c'est simplement une version toute noire. C'est beaucoup plus joli, à mon sens. Mais ça demeure... semblable à ce qui se fait là. Les roues sont belles, par exemple, en noir, c'est vraiment magnifique. Bon. Ceci étant dit, le Ridgeline, si vous ne connaissez pas, c'est un subtil mélange entre un utilitaire sport et une camionnette pick-up. Ouais, ça avait un look un peu spécial, la première génération. Ouais, ben écoute, ça a quand même un look encore un peu spécial, mais on a nettement mieux réussi cette fois-ci. On est vraiment plus proche de la camionnette que de l'utilitaire sport, okay. Même si dans les faits, on n'a pas voulu perdre la personnalité. Ça demeure un véhicule qui est très, très proche parent du Honda Pilot, mm-hmm. même structure, même moteur de 280 chevaux, le 3.5 V6, qui est, ma foi, un moteur assez intéressant, qui est assez nerveux, qui a 262 livres-pieds de couple. Honnêtement, c'est vraiment agréable en conduite. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Est-ce que pour autant, ça en fait une camionnette qui est capable de compétitionner les F-150 de ce monde? Clairement pas. Et c'est d'ailleurs pas l'idée. Moi, c'est ça. Hein. C'est pas la mission de Honda de remplacer les Ram et les F-150 de ce monde. Là. Non, non, pas du tout. On veut que ce soit... En fait, je te dirais que c'est la véritable définition d'un véhicule utilitaire. C'est-à-dire que il est bien fait à l'intérieur, il est spacieux, tu peux amener ta famille sans problème, et il a le tableau de bord là, qui est propre à Honda, avec le grand écran de 8 pouces au centre, avec le volant, avec toutes les commandes redondantes. Bon, tout ça, c'est bien fait, c'est beau, c'est cute. Ma version Black Edition était de cuir noir, tu t'en doutes. Donc, c'était vraiment joli, et ça va bien. Mais ça demeure, comme je te dis, un véhicule familial dans ce contexte-là. Okay. Quand on sort à l'extérieur, là, on arrive avec une boîte qui n'est pas la plus grande des boîtes. Là, on parle des petites boîtes, de petites dimensions. Si on abaisse le hayon, le tailgate, là, si on le met en bas, ben, on peut traîner une feuille de 4x8 à plat et ça rentre numéro 1. C'est fait pour ça. Mais il faut que tu ouvres le tailgate. Si tu ne l'ouvres pas, tu n'as pas suffisamment d'espace. Alors, ça donne une idée que l'espace de chargement, ce n'est pas nécessairement ce que l'on regarde le plus. On a bien réussi à en faire quand même une boîte bien protégée, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis un fond, une espèce de fond qui ne se graffine pas, c'est solide, c'est résistant, c'est quand même agréable. On peut charger 1500 livres dans la boîte sans problème, on peut remorquer 5000 livres avec le véhicule, ça se débrouille très bien. Rouage intégral, bien sûr, le fameux rouage intégral là, VTM4 de Honda qui est correct, qui transfère le couple de l'avant vers l'arrière, mais aussi de la gauche vers la droite. Alors, ça permet donc un usage assez complet et assez intéressant. Okay. Et ça fait vraiment un bon travail. Là où le Ridgeline se distingue, en fait, c'est dans sa portion davantage familiale. C'est-à-dire que, par exemple, on a dans la boîte en arrière un coffre. Le coffre, il est dans le plancher. Il est complètement hermétique et verrouillable. Donc, tu peux rentrer 207 litres de matériel. Alors, tu as du stock à rentrer, il pleut, tu as une boîte de pick-up, tu le mets dans le coffre, tu fermes le coffre, c'est hermétique, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'eau qui va rentrer. Tu peux donc transporter du matériel. Un coup bien décidé, tu peux aussi mettre de la glace dedans puis mettre de la bière, ça sert de tailgate ça sert de glacière pour tes tailgate parties avant les matchs. Ouais, au match des Alouettes. Ouais, ben tu ris, mais c'est effectivement ce qu'on avait fait lors de la démonstration. Mieux encore, dans la boîte arrière, on a mis des espèces de haut-parleurs. C'est pas exactement des haut-parleurs parce que les haut-parleurs traditionnels sont fragiles à l'humidité et à la pluie, mais on a mis des composantes électroniques dans les parois, ce qui fait que les parois agissent comme des haut-parleurs. Alors, si tu veux, tu peux tout simplement envoyer ta musique à l'extérieur et tu auras ta glacière et ta musique pour faire ton party. OK. Alors, comme tu vois, on est vraiment dans la partie entertainment, dans la partie amusante. On veut créer du Ridgeline, un camion qui est capable de répondre à toutes les exigences. Moi, je l'ai conduit dans plusieurs conditions. On a remorqué. Je suis allé me promener un petit peu dans la boîte, dans les champs un peu boueux. Je l'ai conduit sur la route. Ça fait un excellent travail. C'est confortable. C'est vraiment, vraiment comparable à un Honda Pilot. Et 11,3 litres au 100 de moyenne selon Honda. Je t'avoue que j'ai fait un petit peu plus, mais malgré tout, je l'ai trouvé, ma foi, plus économique que ce à quoi je m'attendais. Sincèrement, là, je trouve que c'est un bon résultat. Il faut aimer le genre, il faut aimer le style, il faut aimer le prix, parce que le prix de base est quand même de 35 000 $ Mais une fois ça dit, c'est un véhicule qui remplit tout à fait sa mission et qui, honnêtement, moi, je suis un fan, j'aime les pick-up, OK? J'aime ça, j'adore conduire ça. Quand tu conduis un Ridgeline, tu n'as pas l'impression de conduire un pick-up. OK. Tu as vraiment l'impression de conduire un utilitaire sport avec une boîte. Et ça crée une autre dynamique, une autre approche, mais c'est, ma foi, très pratique. Et honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce véhicule-là. Ouais. Ben, je peux voir. C'est un pick-up pour les gens qui n'ont pas vraiment besoin d'un pick-up. T'sais. Exactement. Mais qui aiment le look, qui aiment conduire ce genre de véhicule-là. Fait que moi, je peux voir l'utilité. Puis c'est Honda, fait que normalement, tu vas avoir une fiabilité quand même intéressante. Des choses. Ouais, exactement. C'est sûr que c'est cher. Puis oui, ça prend quelqu'un qui a un besoin spécifique. Mais tu sais, m'acheter ça ou m'acheter un pilote, moi, je m'achèterais ça. J'ai besoin de la boîte peut-être deux fois par année. Mais j'aime mieux le look pick-up que le look de l'utilitaire sport un peu carré. Mais toi, mon cher, t'es allé dans l'utilité d'un autre côté, par exemple. Ouais, moi, j'ai conduit la voiture de l'année de la JAC, le Volkswagen Golf All-Track. C'est un véhicule que j'avais hâte d'essayer. J'aime beaucoup la conduite Volkswagen. On dira ce qu'on voudra du problème de diesel. Là. C'est un peu en arrière de nous, puis bon, Volkswagen a fait leur meilleur coup de pas. Mais ça reste que Volkswagen font des véhicules qui sont amusants à conduire, des véhicules qui font tourner les têtes. Moi, je l'ai eu la semaine qu'on est allé, c'est notre sortie, notre pèlerinage annuel à la cabane à sucre. Fait qu'on est allé là-bas avec un groupe de personnes que je connais moins, c'est des amis de travail de ma conjointe, mais des gens que je connais et des gens que je connais pas du tout. Et je n'ai jamais assis autant de paires de fesses dans un véhicule que dans la Volkswagen All-Track. Tout le monde voulait s'asseoir dedans, tout le monde voulait voir ce que ça avait l'air, tout le monde était intéressé. J'ai eu une petite peur de la façon dont tu as dit ça. Là. Je sais pas si ça m'a comme... En tout cas, non, c'est correct, vas-y. Des fesses qui étaient recouvertes de pantalons ou de jupes, quelque chose comme ça. Mais pas comme toi, tu vas être... T'sais. Bon, on en reparlera pas, c'est assez. Les gens sont traumatisés. Mais c'est ça. Donc, les gens voulaient voir c'était quoi ce véhicule-là, étaient intéressés de voir cette Volkswagen... cette Volkswagen Station Wagon, un peu plus haute sur pattes, dont on a vu les pubs à la télévision, tout ça. C'est un véhicule qui est très confortable, c'est un véhicule qui est très amusant à conduire, même s'il est plus gros, même s'il est plus long. On a l'impression de conduire une Golf normale. C'est un véhicule qui est... C'est drôle parce que quand tu regardes le prix de base et les équipements, il n'y a vraiment pas grand-chose. Là. De base, c'est 35 295, puis tu peux ajouter... Bon, ce qu'il y avait dans la version de Price, là, c'était l'ensemble d'aide à la conduite, donc le cruise control adaptatif, régulateur de vitesse adaptatif, détecteur de changement de voie, ces choses-là. Et il y a il y avait un ensemble le vision et audio, donc des phares HID avec système de son Fender dedans. Donc on rajoute quand même 1600$ pour l'ensemble vision et audio, puis on rajoute un 1310$ pour... l'ensemble aide à la conduite. Là. Ça commence à être cher, il me semble. Ben, ça commence à faire un véhicule qui est presque 40 000 $. On parle de 38 215 $. Ouais. Mais c'est un véhicule qui est, tu sais, de base, traction intégrale, une bonne traction intégrale aussi. Transmission aussi DSG à double embrayage qui répond très bien. On a un moteur. Je me serais attendu à ce que peut-être Volkswagen mette leur fameux 2 litres. TSI dans ça, c'est le même moteur qu'il y a dans la GTI, mais non, on a le 1.8 TSI qui développe 170 chevaux. C'est suffisant, par exemple, on sent pas que la voiture est essoufflée quand on accélère, mais c'est une voiture qui se comporte très bien sur la route. C'est une allemande, hein, donc la direction est précise, la suspension est confortable. C'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. Il y a beaucoup d'espace dans cette voiture-là. Si vous regardez le coffre est très grand. Si on descend les sièges arrière pour mettre plus d'avoir plus de volume de chargement, on a de l'espace à presque plus finir. Je disais aux gens, c'est presque un loft, c'est presque un petit appartement, là, tellement qu'il y a de l'espace quand on descend les sièges. Fait que c'est une voiture qui est complète. Puis c'est pas pour tout le monde, c'est quelque chose qui est un peu différent. C'est pour la personne qui est prête à dépenser ce montant-là, mais on s'entend qu'on s'achète une Volkswagen. Fait que normalement, quand on s'achète une Volkswagen, on paye un peu pour le nom. On paye peut-être aussi un peu pour rembourser le scandale. mais c'est une voiture, on achète quelque chose de différent. On achète une voiture qui va être amusante à conduire, peu importe le modèle qu'on achète chez Volkswagen. On a toujours, c'est un peu comme une Mazda, on a un petit peu cette sensation de conduite différente qu'on retrouve pas nécessairement dans d'autres choses. T'sais. Et puis, fait que c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé. C'est un véhicule, t'sais, la technologie est présente, c'est loin d'être le meilleur système de divertissement sur le marché, mais c'est loin d'être le pire aussi. T'sais. Ça, c'est connecter un téléphone, ça prend pas 2 heures, puis ça prend pas un bac en technologie. T'sais. C'est vraiment, ça se fait bien, c'est simple. On a la caméra de recul. J'aime beaucoup le système de caméra de recul de Volkswagen qui a le petit logo de Volkswagen qui s'ouvre, la caméra est là, puis se referme quand c'est terminé. Ça garde la caméra propre. Hein? Hyundai fait ça aussi. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça intéressant parce que ça garde ta caméra propre, elle est pas toujours crottée parce que t'as de la neige dedans, des choses comme ça. Fait que je trouve ça intéressant. Tu sais, fait que, somme toute, c'est un véhicule qui est très intéressant. Puis c'est un véhicule pour sa grosseur. J'ai fini avec une consommation de 6,4 litres aux 100 km de moyenne. Wow. Je veux dire, c'est fou, là. Puis j'ai pas fait attention. Tu sais, j'ai fait mon Marc Bouchard, là. J'ai pas fait attention. J'ai roulé pour rouler. Quand on est allé à la cabane à sucre, petite route de campagne oblige. J'ai roulé petite route de campagne. Tu sais, j'ai pas dépassé la limite de vitesse, mais tu sais, j'ai roulé sportivement. J'accélérais. Je prenais mes courbes, tu sais, en freinant. Puis tout ça. Fait que c'est une voiture qui est capable de faire ça aussi. C'est une voiture qui est extrêmement intéressante, puis pour la consommation d'essence, c'est incroyable. Là. Je veux dire, 6,4 litres pour... Tu sais, une voiture qui est capable de remplacer un VUS. Là. Je veux dire, ce genre de véhicule-là, c'est un... C'est, les gens qui ne veulent pas un VUS peuvent prendre ça. Tu as autant de, t'as même plus d'espace que de chargement que dans la majorité des VUS. Puis tu es un petit peu plus bas, ça a un look différent. Moi, j'aime beaucoup. Mais est-ce que je serais prêt à payer 40 000, presque 40 000 $ pour ça quand on peut avoir la Volkswagen Golf Sportwagon qui est moins chère? Mais là, je ne sais pas si elle est disponible avec la traction intégrale. C'est pas la même chose, c'est pas la même bibitte. Mais pour l'espace de chargement, si vous n'avez pas besoin nécessairement d'une traction intégrale, ben la Sportwagon peut faire le travail aussi, puis elle va vous coûter pas mal moins cher. T'sais. Ouais. Mais c'est quelque chose de différent. La Golf All-Track, c'est un peu comme la Golf R. T'sais. C'est quelque chose que vous allez en voir moins ses routes. C'est quelque chose d'un peu spécial. C'est pas autant que la R. La R, c'est une bête. Là, mais c'est quelque chose d'un peu plus spécial, un peu différent. Fait que c'est un peu ce genre de monde-là qui vont se magasiner ça. Mais si vous l'aviez dans votre ligne de mire, et que vous avez les moyens de vous la payer, je vous la conseille fortement. Parce que... Je ne l'ai pas encore essayé, moi, hein, je t'avoue. Je vais l'avoir dans quelques semaines. Là. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Bon, oui, c'est très intéressant comme voiture. Donc, on va terminer là-dessus. Marc, on va faire une petite pause, dernière pause, puis on revient avec le bloc nouvelle. Alors, nous sommes de retour, et Marc, ça va être l'heure de notre chronique nouvelle. La seule chose que j'ai oublié de dire, puis on en parlait hors d'onde, c'est je comprends pas ce qui se passe entre Volkswagen et les volants chauffants. On dirait qu'ils ne croient pas à ça. La All-Track, pour le prix qu'elle vaut, avait les sièges chauffants, mais pas de volant chauffant. Je trouve ça un peu bizarre. Non, effectivement, c'est pas... C'est particulier, là. Mais Volkswagen a une vision bien à elle du monde qui l'entoure. On l'a vu avec le Dieselgate. D'ailleurs, Dieselgate, on en parle parce que nous sommes aujourd'hui 28 avril... date où nous enregistrons et où nous l'espérons vous écouter ce podcast religieusement. Mais c'est aussi la date, je vous le rappelle, où vous pouvez commencer à faire vos réclamations à Volkswagen au Canada si vous êtes l'heureux propriétaire d'un Volkswagen TDI touché par le scandale du Dieselgate. Oui, ça peut être intéressant, par exemple, hein, parce qu'il donne quand même un montant intéressant pour la voiture, plus l'espèce de dédommagement. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut changer de voiture. Le prix est fixé au 18 septembre 2015. C'est la valeur, donc, à cette date-là de votre véhicule, ce qui signifie que, dans les faits, vous avez roulé presque un an et demi sans avoir la moindre dépréciation sur le véhicule. Mm-hmm. Et vous recevez entre 5 100 et 8 000 $ de compensation. Ouais. Alors oui, c'est un excellent geste, c'est parfait, c'est même le meilleur moyen d'aller changer de véhicule et peut-être de vous doter d'un véhicule plus luxueux ou en tout cas de payer davantage, donc d'avoir moins de dettes sur votre prochain véhicule. Mm-hmm. C'est, je pense, une excellente nouvelle. Il y a cependant des particularités. Vous savez que vous avez le choix aussi de conserver le véhicule. Hein? Ouais. Donc l'entente permet de le faire. C'est un peu particulier parce que si vous le faites, vous devez obligatoirement le faire réparer. Le problème, c'est qu'actuellement, les réparations ne sont que partielles. Ouais. C'est-à-dire que pour arriver à réparer les voitures, on aura deux étapes à faire. La première a été faite sur les véhicules qu'on a déjà récupérés. Les autres, évidemment, ça va se faire au fur et à mesure. C'est une mise à jour logicielle. Donc, on modifie le logiciel de calcul. Ça règle une partie du problème. Mais il va falloir faire des changements physiques aussi. Il va donc falloir vraiment que la voiture rentre au garage et que l'on change des composantes. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas quand ni comment ces changements-là vont se faire. Donc, actuellement, les voitures qui vont rouler, qui même réparées, vont être seulement partiellement compatibles avec les normes environnementales en vigueur. Ouais, c'est ça. Le problème, personnellement, être dans cette cette espèce de pris dans cet engrenage-là, je serais tenté de me débarrasser de la voiture. Juste par le nombre de voyages au garage que je vais être obligé de faire pour la rendre aux normes, là. Moi, je m'en débarrasserais. Mais moi, 8h30 matin, j'aurais été en ligne chez le concessionnaire pour le laisser. Là. Ouais, c'est ça. C'est même pas une question. Alors, cependant, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller sur le site qui s'appelle règlementvw.ca ou canadavwsettlement.ca. Vous avez là tous les détails. Vous avez le texte de l'entente qui a été approuvé par la justice. Vous avez vraiment toutes les procédures. Vous avez même des liens pour aller voir exactement si votre véhicule, avec votre propre numéro d'identification, est admissible et si oui, à quel montant. Bref, c'est un site qui est assez bien fait, qui est facile à consulter et qui, je le rappelle, commence officiellement aujourd'hui, 28 avril, à être efficace pour les gens. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui que l'on peut commencer nos démarches pour avoir un remboursement et une compensation. Ouais, mais si vous décidez de la retourner, ne pensez pas que vous allez pouvoir vous racheter un autre diesel parce que Volkswagen ne vend plus de diesel en Amérique du Nord. Ce qui est un peu ironique parce que du même coup, on se retrouve avec des diesels, en tout cas théoriquement, chez Mazda. On anticipe le CX-5 diesel. Mm-hmm. On sait que GM arrive avec le diesel, entre autres sur la Cruze. Ouais. Donc, il y a d'autres compagnies qui prennent la relève au niveau diesel, mais les Allemands, parce que Mercedes-Benz a fait la même chose, on abandonne complètement la notion de diesel. Ouais, mais le diesel va avoir une espèce de couche de saleté sur son nom, là. Mais à un moment donné, les gens vont probablement oublier. Là, mais Je pense que oui. Là, je pense que ça va passer comme le reste. Là, mais en tout cas. Le diesel reste très, très avantageux si vous faites beaucoup d'autoroutes, beaucoup de routes. Ça vaut la peine. Si vous êtes pris en ville tout le temps, bah, une voiture à essence normale fait le travail. Effectivement. Rapidement, écoute, on est dans les nouvelles légères ce matin. Je te le dis, là, à part Volkswagen, le reste est assez léger. C'est bon. Tu vas être content d'apprendre que la Ford Mustang est officiellement le muscle car le plus vendu au monde. Oui, parce que ça a l'air que les ventes en Australie sont excellentes. Partout, les ventes ont augmenté. On est rendu à 150 000 unités vendues partout dans le monde. C'est énorme. 45 000 ont été vendues à l'extérieur des États-Unis. Ouais. C'est une augmentation de 101%. Actuellement, c'est la voiture est vendue dans 140 pays et au cours de la prochaine année, on en ajoutera 6, ouais, dont le Brésil et la Côte d'Ivoire. Le Brésil, évidemment, qui est un pays quand même relativement important. Tu l'as mentionné, l'Australie, ça va bien. Les deux marchés les plus performants pour la Mustang, c'est l'Allemagne et la Chine, sans surprise. Alors, écoute, moi, quand on a changé le look de la Mustang pour la rendre plus internationale, j'avais un très sérieux doute parce que moi, je la trouve plus ordinaire comme ça. Je l'aime moins comme ça. Oui, j'avoue être d'accord avec toi. Mais ça leur a permis de faire le tour du monde, semble-t-il, et d'avoir vraiment un succès partout. Alors, actuellement, la Mustang, c'est la star des stars des muscle cars partout au monde. C'est un peu drôle comment parfois aliéner tes fans numéro 1 du jour 1 fait que tu peux faire beaucoup, beaucoup d'argent ailleurs. Ouais, excepté que les fans du jour 1, faut le rappeler, c'est des fans locaux. Ouais. Donc, c'est des gens qui, probablement, 50% vont quand même en acheter une. Ouais. Si c'est pas 75%, puis ils vont bougonner. Prends l'exemple de Jeep. Quand ils ont changé le Wrangler, qui ont mis des suspensions indépendantes à l'avant et à l'arrière, ça a fait crier tout le monde. Puis maintenant, ben c'est la voiture la plus vendue, pareil, chez FCA, là. Oh oui, c'est ça. Les gens oublient, on est. Ça va être pareil pour la Mustang quand on va être rendu à... C'est comme là, déjà, ils ont commencé à faire certaines modifications. Puis c'est normal. La nouvelle mouture de la Mustang a toujours l'air un peu plus ordinaire. Puis après ça, on la modifie presque à chaque année. On rajoute des petites choses là, juste pour la rendre un peu plus agressive jusqu'à au prochain remodelage complet, là. Exactement. C'est le modèle que Ford utilise avec la Mustang depuis un bout de temps. Là. Ça ne changera pas. Là. Effectivement. Ouais. Alors, tout ça pour dire que ça a l'air de bien marcher. Si on continue rapidement, parce qu'évidemment, le temps file. Dans les autres nouvelles, on parlait de Jeep il y a quelques minutes. Notre ami Sergio Marchionne est un homme aux mille ressources. Mm-hmm. On sait que ses compagnies Fiat Chrysler, ça va pas très bien du point de vue financier. Il a essayé et qu'il est prêt à s'associer avec à peu près n'importe qui. Ben, il a essayé de s'associer avec GM, ça n'a pas marché. Ouais. Il y a eu une espèce de saga avec le groupe Volkswagen, ça n'a pas marché non plus. Et la dernière trouvaille, c'est que lors d'une conférence téléphonique, M. Marchionne s'est fait poser la question « Est-ce que Jeep ou Ram pourrait être vendu? » Sa réponse a été « Oui, bien sûr. » OK. Alors, ce que ça veut dire, et c'est troublant parce que Jeep et Ram, je le rappelle, ce sont les deux divisions les plus payantes de Fiat Chrysler. C'est la vache à lait de Chrysler, en tout cas, là, en Amérique. Là. Exactement, et, ouais. et partout au monde, ouais. Fiat n'est pas plus rentable. Non, non, non. Donc, actuellement, si jamais ça te tente, il y aurait Jeep qui est à vendre, Ram, Maserati et Alfa Romeo. OK. Ça, c'est à vendre. Ouais, OK. Qui serait pas à vendre, c'est Chrysler, Fiat et Dodge. Mais objectivement, je pense juste qu'ils ne veulent pas le vendre parce qu'ils font pas d'argent du tout. C'est les trois compagnies qui actuellement ont le plus de difficultés. Chrysler, soyons sérieux, là, si on enlève la Pacifica, là, il ne reste à peu près rien. Ben, il reste-tu quelque chose? Ben, il reste la 300. Ouais, mais la 200 n'existe plus. Fait quoi, il reste la 300. Puis fait que t'as une marque qui a deux modèles, la Pacifica et la 300. Dodge a, oh, ben, la Caravan, ce qui en reste. Puis, Charger Challenger. Charger Challenger. Puis après ça, t'as pas. Fiat, t'as la 500. T'as la 500, ouais, la 500, 500X. Puis t'as le petit Fiat 124. Ouais. Puis après ça, ben, t'as Jeep puis t'as Ram qui sont les vaches à lait parce que on s'entend que Chrysler fait beaucoup d'argent avec le Ram, avec les camions, puis il fait encore beaucoup d'argent avec Jeep parce que Jeep c'est une religion là. Ah, clairement. Puis c'est encore la marque la plus vendue et la plus connue au monde. Hein, ouais. Je pense que Jeep aussi a un grand espoir pour son Compass qui s'en vient. C'est un véhicule extrêmement important pour Jeep. Oui, effectivement. Faut que ça marche. Tout à fait d'accord. Ouais, ouais. Rapidement, est-ce que tu as envie d'aller faire un tour sur la Lune? Moi qui ai des vertiges, je te dirais non. Non? Ben, Audi va y aller. Ben, c'est le fun pour eux autres. En fait, Audi va participer au prochain film de Ridley Scott. Le nouveau Alien, là. OK, Covenant. Je pensais qu'il allait aller se débarrasser de tous les moteurs diesel. Peut-être là-bas. Aussi, mais ça, ils n'en ont pas parlé encore. Okay. Mais ils ont créé un quattro lunaire, en fait, qui va apparaître dans le film Covenant. OK. Sauf que Audi a aussi annoncé que le fameux quattro lunaire, il existait pour vrai. OK. Et il se rendrait sur la Lune. OK, ils vont demander à Tesla de l'envoyer sur la Lune avec une de leurs fusées. Je ne sais pas, mais c'est déjà prévu qu'il va faire partie d'une des prochaines missions sur la Lune. Alors, si jamais vous achetez une Audi, dites-vous qu'il y a un petit peu quelque part de vous qui va aller sur la Lune. Évidemment, c'est un véhicule là, tout à fait... lunaire. Science-fiction. Ça ressemble à rien. Là. C'est comme quatre roues et une tête. Là. Alors oui, effectivement, mais ça va quand même aller sur la Lune, dites-le vous. Et enfin, une dernière petite annonce parce que je voulais le faire. Mm-hmm. Faites une recherche, allez voir le trailer, la bande-annonce de Flash McQueen et de Cars 3, les bagnoles. Ils en ont sorti une nouvelle cette semaine, là, qui fait 2 minutes et demie à peu près. Ouais, qui donne un peu plus l'essence de l'histoire, parce que le premier, on dit, c'est ça. Alors, rapidement, l'histoire, c'est pas compliqué. Flash McQueen a un accident incroyable. Il se fait dire qu'il ne peut plus courir. Qui devra remettre sa carrière de côté. Il engage une entraîneur, une Dodge Charger coupée, en fait. Oui. C'est pas exactement une vraie Dodge Charger, ça s'appelle une CRS, mais n'empêche que c'est une silhouette de Dodge Charger coupée, qui va l'entraîner et il va confronter Jackson Storm, qui est un prototype, c'est-à-dire une voiture qui est complètement dessinée pour la course, qui n'a aucune base de véritable voiture. Donc ça, c'est l'histoire, évidemment. On ne sait pas ce que ça va donner, mais allez voir le trailer. Ça vaut la peine. J'adore absolument Cars, la série. J'aime les voitures qu'on y retrouve. Alors, j'aime aussi Cars 3, évidemment. Donc, faites une petite recherche sur Google. Vous allez devoir les trouver assez facilement. Donc, c'est super. Marc, si les gens veulent te rejoindre, comment peuvent-ils faire cela? Ben écoute, la méthode la plus facile, c'est d'aller sur mon site marcbouchard.ca. Vous allez trouver là-dessus, bien sûr, mon essai de la Bolt, entre autres, d'autres informations, des liens vers l'émission Ça roule radio, mais aussi toutes sortes de détails, incluant toutes mes tous les liens pour me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Twitter, c'est Marc Souligné Bouchard. Alors, je pense que c'est la meilleure façon. Et ils peuvent nous rejoindre tous les deux aussi via courriel, je le rappelle, à info@saroulradio.com. Merci, Jerry, de me l'avoir rappelé. Ben, là, j'ai plus aucune utilité. Donc, moi, je vais vous dire que si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire sur Twitter, @Scalazormo. Il y a aussi la page, le compte Twitter de Ça Roule Radio, qui est Ça Roule Radio, la page Facebook, qui est aussi Ça Roule Radio. Vous pouvez nous écouter sur iTunes et à travers aussi Google Play, télécharger le podcast là. Et vous pouvez nous écouter aussi en ligne sur certaines radios web, dont sportradio.ca. Hein? Je t'ai pas oublié, on les nomme cette semaine. Ouais, je t'ai pas oublié cette fois-là, Daniel. Et puis, la semaine passée, on vous a pas oublié. On a juste, on parle beaucoup et on a manqué de temps. Donc, sportradio.ca, Radio H2O et aussi Radio Highway. Vous pouvez retrouver l'émission-là et l'écouter quand elle est diffusée live pré-enregistrée, mais c'est quand même live à la radio. Donc, là-dessus, Marc, je te remercie encore une fois d'avoir fait cette émission et les 49 autres précédentes avec moi. Oui, écoute, 50 émissions, quand même, ça mérite. Non, je sais pas, je pense qu'on se mérite une petite tape dans le dos. Ouais, peut-être, on se la donnera chacun de notre bord parce qu'on enregistre à distance. Et puis, ben, on se reparle la semaine prochaine pour l'émission numéro 51. Bye tout le monde, passez une bonne semaine.